بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. عوائق طلب العلم، les obstacles sur la voie de la recherche de la science. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة، ومن أجل هذه النعم بعد نعمة الإسلام والسنة نعمة طلب العلم، وهذه النعمة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فست نعمة le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité le ilm, il nous a facilité ce makan mubarak inshaAllah ta'ala, on doit préserver هذه النعمة. قال عز وجل: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمسلم il doit être reconnaissant si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une ni'ma. Ce ilm هذا qu'on essaie d'apprendre jour après jour, نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. On doit être reconnaissant نحن. فكم من الناس ils n'ont pas les moyens d'apprendre. Combien de personnes ils veulent, لكن il n'y a personne pour leur montrer. Ils n'ont pas eu la facilité de venir dans un endroit où il y a des savants, où il y a du ilm. Anta, akhi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité tout ça. Fa yajib al-shukr. لأن الشكر كما نسيت الفرسس من أسباب الزيادة في هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم. Et le fait de ne pas être reconnaissant, c'est من أسباب سلب النعمة. أن الله سبحانه وتعالى il peut enlever cette نعمة à cette personne. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلم حفظك الله وأنت تعلم إن شاء الله أن هذا الطريق أي ce chemin qu'on a pris الآن pour apprendre notre الدين اعلم وأنت تسير هذا بإذن الله أنه إلي محفوف بالمكاره إلي محفوف بالمكاره أي ce chemin qu'on a pris talab al-ilm c'est pas facile sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilite ce chemin. Tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des obstacles, la bud an tasbir. Qala Isa al-salam huffat al-jannah bil makarih, huffat al-jannah bil makarih, ay al-jannah elle est entourée de makarih, tu rentres pas hakada. قال عيسى السلام يبتلى المرء على قدر دينه. La personne est éprouvée par rapport à sa foi. Plus elle a une foi forte, élevée, plus Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve. Est-ce qu'il est sincère هذا الشخص ام لا. يبتلى المرء على قدر دينه. فقبل أن ندخل في هذا الدرس، درس الأصول من علم الأصول لفضيلة الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، أحببنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا والسامعين من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقول الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. و ce rappel qu'on va faire بإذن الله avant de rentrer dans le kitab, c'est في مسألة مهمة. C'est dans un sujet مهم خاصة pour toi أيها الطالب. وهي مسألة عوائق الطلب أو عوائق طلب العلم. عوائق، العوائق جمع عائق، جمع عائق، والعائق هو الشيء الذي يمنع من الوصول إلى شيء، إلى مقصود، إلى هدف. هذا العائق يحبسه، يمنعه. Et c'est un obstacle qui va empêcher la personne d'arriver à un but. En arabe, ça s'appelle aïq. Aïe, non traduit par un obstacle. Hada tariq, tariq talab al-ilm, lahu awa'iq. Il y a des obstacles que si la personne, si l'étudiant ne fait pas attention, il aura du mal à arriver au but. Il aura du mal à finir un livre. Il aura du mal à apprendre un livre par cœur. Il aura du mal à apprendre le Coran. Il aura du mal à beaucoup de choses. فلابد أنت تعرف هذه العوائق وتبتعد عنها وتحذر منها وتحذر منها. Tu dois connaître أنت ces choses. حتى تبتعد تتكهر. Un obstacle va te faire du mal. Il va te couper le tariq. يقطع على الطالب سيره في المواصلة والاستفادة. فهذه الكلمة التي أحببنا أن نتذاكر قبل أن ندخل في الدروس، لأن الدرس يا جماعة سي سامبل. الدرس صراحة خاصة سي بيتي ليفر سون سامبل. لا بيرسون يفي دي زيفور يباسيونت كلك سومان وانتهينا. لكن plus important que هذا، plus important que faire simplement des doros, il te faut une méthodologie, ya akhi. دائما نحن ننصح بهذا لأن الناس الأهم. Je peux faire un livre, deux livres, t'enquater. Une semaine, deux semaines, il n'y a plus rien. انتهى. لا، c'est pas ça العلم. العلم c'est الدين. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. قال ابن سيري رحمه الله. Ce parcours, هذا, ce chemin, c'est un دين. C'est pas هكذا. Tu fais pas ce que tu veux. Tu rentres pas où tu veux. Tu commences pas par qu'est-ce que tu veux. Anta, là. Là. هذا العلم il a une tariqa. Celui qui prend tariq, bi'idnillah, yastafid wa yufid. Bi'idnillah. Il va profiter et il pourra faire profiter. Amma, celui, yatakhabbat kama sayati. فهذا سيتعب نفسه ويتعب غيره. فنقول وبالله التوفيق العائق الأول، le premier obstacle que طالب العلم il doit faire attention جدا، c'est sa نية. فساد النية. قال عيسى السلام في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فpour rapport à la نية de la personne, si elle est bonne, بإذن الله, il pourra atteindre son but, Inch'Allah Ta'ala, et il prendra beaucoup de bien. Et si la niya est mauvaise, هذا سيتعب. هذا va se faire du mal جدا. فأعظم وأهم ما يعتني به طالب العلم إصلاح النية. La chose la plus importante, أيها الطالب, tu corriges دائما ta niya. Jour après jour. Jour après jour, tu corriges ta niya. Pourquoi tu t'lab hada l'ilm? C'est quoi ton but? Hada. Tu te poses daiman des questions. Qala azza wa jal, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu d-din. طلب العلم شيء عبادة كما تقدم حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا العلم شيء عبادة. يا الله سبحانه وتعالى اتأخذني وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل في الحديث القدسي المعروف: أنا أغنى الشرك عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشركة. فهذا العلم بقيس وأكسبت عند الله يفوك لنية تون attention elle soit لله elle soit pas pour فلان pas de publicité pas je veux que فلان me connaisse. لا أبدا. C'est un دين. C'est une عبادة. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يهتمون بإصلاح النية جدا. السلف donnait de l'importance جدا à la niya. لأن il sait que si la niya est bonne, il y arrivera. ولو si ça devient pas un grand alim, il meurt à la طلب العلم avec une bonne niya, il est compté parmi طلبة العلم. بإذن الله il est في الجنة. Si la niya est mauvaise, il peut avoir le ilm qu'il veut, atteindre le niveau qu'il veut. Fa'inda Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un asi. Ta'lamoun al-hadith anna min awwal man yulqa fi an-nar, min awwal, une des premières personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fi an-nar en enfer, rajulun ta'allama al-Qur'an li yuqal qari wa qad qil kama fi al-hadith. Aïe, une personne, il a appris le Coran pour qu'on dise Fulan c'est un moukri, Fulan il a une belle voix, Fulan kada. Et les gens, ils ont dit hada. Fahada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, c'est une des premières personnes qui l'ira finna, ou qui rentrera finna. Pourtant, ta'ammal, c'est un hafid Coran, il a appris le Coran. Et celui qui apprend le Coran, ma'rouf, il faut un effort, il faut du temps. Lakin, under le résultat, il est finna. C'est quoi le problème, an-niyya? Tu peux trouver un autre musulman, il connaît le Fatiha faqat, il va fi al-jannah. C'est un mouahid, il n'a pas eu les moyens d'apprendre, il connaît le Fatiha, il a fait sa salat, il est mort à la tawhid, il fait partie des gens du paradis, bi'idn Allah. Al-mas'ala c'est quoi? Al-niyya. Al-salaf, radiyallahu anhum, ils ont compris hada. Fali-hada, al-imam Soufyan al-Thawri, rahimahullah, min a'immat al-salaf. من أئمة السلف معروف مشهور قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا سفيان الإمام الإمام أحمد كان يجله جدا ولا يقدم عليه أحد من أفضل أهل زمانه. سفيان معروف هو إدي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إدي جبا corriger une chose, ou la chose la plus dure que j'ai dû corriger, c'est ma niya. Hada Soufyan, ma balouk nahnu. Ça te montre que le salaf, il corrige une niya. La tadon, kama yadon ba'd al-juhal. Ana, mon cœur il est bien, je suis bien, il a akhiri. La la, hada c'est min kalam al-jahala. Amma salaf, daiman il fait attention à la niya. Daiman. Et il sait qu'il est muqassir, il fait des efforts. Amma la personne, il pense qu'il est bien, khalas, il ne va plus faire d'efforts. Kama yahsul min al-awam. Wa'alam, kadhalik, anna fi bidayat al-talab, au début de la personne qui commence fi talab al-ilm, fi al-ghalib, ou kathir min al-nas, au début ils ont un problème fi al-niyya. وهذا سأغيب لأن خاصة سي لا بيرسون إلي جون قد يدخل شيء في النية أو ديبي يو فيغ بور فلان بور فلان لكن لا بيرسون يكوريج لا يدخل الشيطان إي لا بيرسون يجي خلاص شو مشرك أو شو منافق أو لا أبدا فندخما فقط فاجتهد وعالج النية. فلهذا يقول بعض السلف منهم الإمام الدارقطني رحمه الله قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله أي au départ peut-être que la niya elle est pas comme à l'arrivée أبدا. La personne il est ignorant, il est jeune. تعلمون أن الجن il est fougueux, il est كذا. فقد يدخل عليه شيء في النية. Regarde les enfants مثلا لا يبالي هو. Il veut se faire féliciter فقط, c'est un enfant. لكن si اجتهد في العلم plus il grandit, plus il corrige, le ilm il va l'éduquer. قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله إلا لله. فالاجتهاد الاجتهاد دائما on corrige notre نية et دائما on fait attention à la نية. Crois pas que خلاص t'es rentré في طلب العلم خلاص tout va être rose. أبدا أبدا. Fais attention à ta نية لأن الآن أنت الحجة قامت عليك. أنت t'as plus d'excuses. الآن t'apprends, tu peux demander, tu peux, t'as pas d'excuses, t'es pas comme un ignorant. فالحذر الحذر. فإذا أردت أن الله جل وعلا يبارك لك في علمك وفي وقتك النية النية. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il te mette de la baraka dans ton temps, dans ton ilm, dans ce que tu apprends, النية. Fais pas les foulan. Wallahi foulan, il te servira à rien yawm al-qiyam. Fais pas les foulan. Fais l'Illah subhanahu wa ta'ala. قال الحسن البصري رحمه الله قال من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء للدنيا فهو حظه منها. الحسن البصري الإمام إنه montre في هذا الأثر أن celui qui طلب العلم pour الآخرة بإذن الله il aura la récompense de l'آخرة. إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث. أما celui qui طلب العلم pour الدنيا فإلو غسكي بمن الدنيا. بعض الناس يطلب العلم يبغى ديبلوم. Tu vas avoir ton diplôme ou بعد. فلهذا تتخوف بعض الناس والعياذ بالله يطلب العلم pour un diplôme. Dès qu'il a son diplôme ينقطع. Il arrête. Il a eu son diplôme. لكن في الآخرة c'est pas un diplôme qui va t'aider. أبدا. أبدا. كذلك بعض الناس يطلب العلم مثلا pour une place. Il veut être imam. Il veut être professeur. Il veut être كذا. Il veut être ce qu'il veut, c'est شيء من الدنيا. هذا من أسهل ما يكون. هذا من أسهل ما يكون. فتو لو تروف dès qu'il a cette chose il ينقطع. أي ça le coupe. مثلا il veut être imam d'une mosquée, il est imam خلاص. C'est pas ça العلم أبدا. أبدا. بعض السلف يقولون من المهد أي من المهدي إلى اللحد أي du berceau jusqu'au tombeau. هكذا السلف يزتر. Quand tu dis du berceau, aïe, quand tu commences à comprendre son enfance, hâte à la mort, c'est ça l'ilm. Et ça, ça montre la bonne niya. Mais celui qui est coupé au milieu, il avait un khalal fi niya. Sallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Wa qala sahnoun, wa huwa min a'immat al-malikiyya, wa rahimahullah. Qala kana al-qasim yaqul, ittaqullah. Inna qalil hadha al-amr. يغني أو قال فإن قليل هذا الأمر أي قليل من هذا الأمر أي أمبو تسعلم. قال مع تقوى الله كثير ويتكونسي الآن أنا أمبو تسعلم avec la sincérité عند الله c'est grand et ça sera utile بإذن الله. قال وكثير مع غير التقوى قليل. أما بكو il a pris ça, il a fait ce livre, il a fait كذا et la nia les mauvaises الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي يشرك معه فيه غيره عز وجل. الله لا accepte pas هذا. سيتعب عند الناس كثير عند الله قليل. Et celui qui va te récompenser ou qui peut te châtier يوم القيامة c'est Allah عز وجل. أما les personnes il ne sera d'aucune utilité لا في الدنيا إلا أن يشاء الله ولا يوم القيامة. الآن نحن نستفيد من هذا أن طلب العلم c'est une نعمة pour toi si tu as une bonne نية. Aïe, si la personne a une bonne niya, c'est que du bien pour lui. Si il a une mauvaise niya, wallahi, c'est grave. C'est grave. Amma talib al-ilm, s'il n'applique pas, il est à la khatar. Il est à la khatar. Qala Hammad ibn Salama, man talab al-hadith li ghayrillah mukira bih. Man talab al-hadith li ghayrillah mukira bih. Aïe, celui qui recherche l'ilm, la science, li ghayrillah mukira bih, ça va être contre lui. والعياذ بالله قد ينحرف يزيغ الى اخره. لماذا؟ لان النيه لي با بون. واسمع الى هذا المثال الطيب ان اكزامبل. الان الامام ابن عطاء رحمه الله الا سته قال مثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعه كمن رفع العذره بملعقه من الياقوت. Il t'explique en celui qui tlob ce ilm pour le dunya, c'est comme une personne qui ramasse al-adhira ma'roufa, ça vient de al-ra'it, un excrément, il le ramasse avec une cuillère en diamant. Aïe, il veut te faire comprendre que la cuillère en diamant c'est l'ilm, c'est une chose élevée. Amma c'est le dunya, fa ta'lamoun. Qala alayhi sallam, le dunya mal'ouna. الدنيا ملعونة ما فيها إلا طالب أو عالم ومتعلم أما الدنيا البغية عند الله قل متاع الدنيا قليل on doit pas nous prendre ce علم pour un but هكذا كأوكين valeur كأوكين valeur un diplôme هكذا c'est pas ça le but أبدا أبدا قد يقول قائل وما هي النية الحسنة إذن قد يقول قائل سكوا لبنية الآن صحيح تبت بوز لا كيستيون هذا عند من pour avoir une bonne niya il faut savoir c'est quoi si on sait pas c'est quoi on pourra jamais l'avoir ابدا فما سكوا النية الحسنة on parle pour طالب العلم hein يوسف احسنت كذلك أحسنت كما قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد il lui a demandé c'est quoi la bonne niya il a dit رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك c'est ça la bonne niya أي c'est que t'enlèves l'ignorance tu passes d'ignorant بإذن الله t'essayes d'apprendre ton din et t'essayes كذلك d'enlever l'ignorance aux autres قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية هذا c'est مقصود ça fait pas partie de la mauvaise niya que tu veux devenir un grand talib, un alim pour faire profiter les musulmans. Ça, c'est une bonne niya. Lakin intabih. Intabih al-shuhra. Fais attention à shuhra. Et c'est ça, le deuxième a'iq. Al-a'iq al-thani, hubb al-shuhra. Aïe, c'est qu'il aime. Il aime se faire connaître. Il aime qu'on parle de lui. Hada, ça montre sa mauvaise niya. Ça montre sa mauvaise niya. Léan a celui qui a une bonne niya, il fait ça l'illah. Les gens, ils l'aiment bien, ils l'aiment pas. Ils reconnaissent son ilm, ils ne reconnaissent pas. Chez lui, ça ne change pas grand-chose. Hada. Amma celui qui tabla'im, il veut que les autres, ils le complimentent. S'il ne le complimente pas, il est en Hada, ça arrive. Il ouvre un dar, s'il y a deux personnes là, khalas. Il faut une jama'a à la base. Il vise 20, 30, 40, ouais. Amma deux là. Sal un ya, en fait, dans niya. Toi, on ouvre un dars, on est deux, au mille, c'est la même chose, indana. Le dars, il sera la même chose. Ce sera la même chose. La chèque que ça fait plaisir quand on voit des frères yastafidoun, akthar. La chèque, hada. Et ça, ça rentre dans raf'al jahl, anil ghayr. Ça fait plaisir que tu arrives à montrer à plusieurs personnes al khayr et l'akhir. Lakin, si on a un ou deux, fa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa, natkur. موقف السلف الصالح في هذا الباب. الحقيقة نحن في هذه الكلمة on va plus se fixer sur سيرة السلف. On va plus se fixer sur سيرة السلف لأنهم c'est القدوة. C'est القدوة. رضي الله عنهم. طالب العلم il a besoin de هذا. لأن طالب العلم كما سيأتي doit mettre la barre haute. Regarde pas au-dessus de toi. Tu es resté deux heures dans le masjid, tu regardes un ami, il fait les cinq salawat faqad. Tu vas être un imam, fi nafsik. Regarde le salaf. Wallahi, celui qui dit surat le salaf, ahyanan, tu vas avoir des doutes, est-ce que c'est sahih hamla. Pourtant c'est haq. C'est l'isnad, il est authentique, c'est haq. Lakin, tellement qu'on est vaïf, tu vas avoir des doutes. Tu vas dire que c'est un être humain ou un robot hada. Sahih, ça t'esma. Ça t'esma des choses, à notre époque, c'est un rêve faqad. لكن الإخلاص إذا بالإخلاص إي الله سبحانه وتعالى إن لغة فاسيليتي فهذا أيوب رضي الله عنه ورحمه الله الإمام السختياني معروف parmi les مشايخ رحمه الله دو شعبة وكثير من السلف زمخي العلم عنده الإمام أيوب السختياني رحمه الله قال ذكرت ولا أحب أن أذكر انظر عنده Inda, c'est un poids pour lui. Dhukirtu wa la uhib an uzkar. Al-Imam Ayyub, il s'est fait connaître. Il est devenu populaire. عند المسلمين. فإلى دي ذكرت أي لجان دائما مسجد ولا أحب أن أذكر. إيش دتست هذا؟ دتست هو. لأنه لا بوق pour son نفس. لا بوق pour son نفس. كثرة العلم كثرة الإخلاص صالح في دير مثل هذا الكلام. أما بعد طلبة العلم نسأل الله العافية. Son but c'est que ça. C'est que ça. Plus il est cité, plus il est content. Personne ne fait attention à lui. Khalas. Yadhiq. Et c'est une des causes. Il y a un qatir. Personne ne fait attention à moi. Khalas. Il pense que l'ilm, ce n'est pas pour lui. Il a akhri. Wa qala Shu'bah. Abu Bistam, al-imam. Rahimahullah. Ma'ruf. Ibn al-Hajjaj. Qal. Rubbama dhahabtu ma'a Ayyub. Shu'bah, c'est un élève de Ayyub. Marra, ils sont sortis ensemble. Min al-Bayt. قال ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه. Quand il sortait de la maison, Ayoub disait à son élève, pars. Il ne veut pas qu'il reste avec lui. لماذا؟ لأن si un groupe, les gens ils peuvent le voir. أما نحن, ils veulent taper rouge. واحد مرة il a dit, je vais aller. Il était هنا un جاهل. Un جاهل. Il a dit, مفتون تعبان. Il était هنا et il a dit, dès que je vais partir dans mon pays, je vais mettre une imama blanche, je vais kada, il me faut un coursi, il me faut. Il pensait au micro, il pensait. Hada fait takbir 4 fois sur lui, intaha. Illa ayashallah. Ben, andur hada, il fait tout pour que personne ne le voit. Wallah, il pourrait passer sous terre, il le fait. Alors qu'il mérite, rahimahullah, c'est un imam. Lakin, al-ikhlas. Qala, ayashu'ba, il continue, qala. قال ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج منها هنا وهنا لكي لا يفطن له. الشعبة il raconte, je le voyais, il passait là, dans une ruelle là, il rentrait par là, حتى personne le voit. Personne le voit. لأن il a peur pour son نفس. انظر السير. À la fin du livre, on donnera, à la fin de la kalima, on donnera les références. لأن la plupart des références, on les a pris les mêmes رسائل. أكثرها السير للذهبي وجامع بيان العلم لابن عبد البر. Et on citera des رسائل في هذا الباب. هذا أحسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله. تعلمون أن الإمام أحمد il était très populaire عند المسلمين. خاصة après المحنة. خاصة quand il est sorti de prison, il s'est fait fouetter, il a affairé. Il est rentré dans le cœur des musulmans. Ils l'ont aimé في الله. C'est un imam, c'est un عالم. اسمع ماذا يقول. قال رحمه الله أريد أن أكون في شعب مكة حتى لا أعرف وقد ابتليت بالشهرة. إذي هو son désir, l'envie qu'il voulait, c'est d'être في شعب من شعب مكة. Un شعب c'est un passage étroit entre deux montagnes. بالعربية ça s'appelle شعب. Un petit chemin entre les montagnes. Personne te voit. L'imam Ahmed, son désir c'était de vivre là-bas. قال وقد ابتليت بالشهرة. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il m'a éprouvé avec الشهرة. الشهرة c'est le fait d'être populaire. Le fait d'être connu. Andur, pour lui c'est une épreuve. C'est une épreuve, Allah il l'a éprouvé. Est-ce qu'il va patienter amla? Fa la ta'man ala nafsik. Wallahi, الشهرة elle a fait du mal à كثير من الناس. طلبات العلم, il y en a, ils avaient atteint un haut niveau. Lakin الشهرة, il est connu là, il va là, il a akhiré, hatta il tombe. Wal'iyadu billah. Il tombe dans des mains sales. Imma jam'iyya, imma hizbiyya, imma mal, imma. Sallallahu alayhi. Fa thana'u an-nas la yanfa'uka 'inda. Fulan il dit t'es bien ou t'es pas bien, la yanfa'uka 'inda Allah. 'Inda Allah c'est ton cœur, c'est ta niyya. Et tes œuvres. Amma an-nas, jamais t'arriveras à les satisfaire. Abadan. Hada il va dire il est bien, hada il va dire il est mauvais. Hada. Fa la tubali bin-nas. La tubali bin-nas. Irdi rabbak. C'est ça l'essentiel. Celui qui est satisfait, il est satisfait. Celui qui n'est pas satisfait, il ne fait aucun mal. Lui-même, il doit satisfaire Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmed, rahimahullah, l'imam Ahmed, marra, il a dit à un de ses élèves, « Ya Aba Bakr, idha arafa al-rajul nafsa, fama yanfa'uhu kalam al-nas. » Hada, c'est muhim. L'imam Ahmed, il montre à son élève, si tu connais ton nafs, tu connais ton niveau, ça ne te fera rien kalam al-nas. T'es un petit talib, les gens ils peuvent dire t'es un imam, t'es un alim, t'es un shir. Si tu connais ton nef, ça te fera rien. Tu sais que t'es un petit talib. هذا فلا تغتر بكلام الناس واعلم أن أهل البدع والضلال إذا سيد فقطن بالطالب من هذا اللي قنف حتى يتم فلا تغتر Si quelqu'un, tu le vois, il te met au-dessus de ton rang, remets-toi à ta place. Il dit, akhi, taqillah. Taqillah, katrat al-kalam, ça ne sert pas à grand-chose. Tu veux concentrer, on s'entraide sur talab al-ilm. Et le kalam, on le met de côté. Ou al-ibra, le bil-khawatim. Tu peux être un grand talib, tu ne sais pas comment tu vas mourir. Inna al-rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira. Faya'mal bi'ahli al-nar, faya'tkhuluha. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توت سافي عمل أهل الجنة لكن كما نرى مع الإخوة في شرح الأربعين أن البروبليم سنية توت سافي عمل أهل الجنة على فن سافي أعمل اللي في طنبه الانفير والعياذ بالله لأن لا نية فلا تغتر بكثرة العمل ولا بظاهر العمل لا تغتر كوغيج تولي جوغ تنية من العوائق كذلك parmi les obstacles كذلك qui vont freiner le talib جدا أو qui peuvent il arrête complètement العلم والعياذ بالله ترك العمل il apprend et tu vois que sa vie elle change pas c'est des informations فقط il sait ça il sait que ça c'est interdit il sait que ça il faut le faire لكن sa vie ça change pas grand chose وهذا il est à la خطر on revient toujours à النية pourquoi tu طلب العلم طلب العلم c'est pour appliquer فقط t'appliques et si tu peux montrer faire da'wah ni'ma si t'as la capacité amma t'appliques et tu fais pas allez où al-fa'ida hatta même si les gens profitent de ton ilm tu te fais du mal anta بعض العلماء ils ont donné l'exemple d'une bougie la bougie elle éclaire les autres et elle se fait du mal à elle-même elle fond طالب علم qui applique pas et qui montre aux autres c'est comme une bougie il éclaire les autres la chèque واحد il va lui demander est-ce que ça c'est haram il va lui montrer la personne il va profiter il va s'écarter du haram لكن lui il est en train de se brûler فقط un jour la lumière elle s'éteint comme une bougie قال عز وجل كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا celui qui applique pas son ilm il est même qout وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يوم القيامة le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré أن la personne il sera questionné sur quatre choses قال عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه أي sa vie qu'est-ce qu'il a fait de sa vie vous allez voir que les quatre choses c'est une ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander des comptes. Il t'a donné une ni'ma, il va te demander des comptes. Enfin, il t'a donné une vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que tu as fait ? Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Est-ce que tu as appliqué ce verset ? Amla. Wa qala Isa alayhi salam, wa an ilmihi madha amila bih. Et c'est ça le shahid. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité talab al-ilm. Tu as étudié chez Fulan. Tu as appris ce livre. Est-ce que tu as appliqué ? Amla. Si tu n'as pas appliqué, قال عيسى السلام القرآن حجة لك أو عليك. Ça devient une preuve contre toi. يوم القيامة. قال وعن ماله من أين اكتسبه وماذا وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله. La troisième chose, son argent. D'où il a gagné cet argent et il l'a dépensé dans quoi? Et la quatrième question qui sera posée à chaque personne est son corps. Qu'est-ce qu'il a fait de son corps? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une bonne santé. Il lui a donné la vue, il a rien. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, la personne il prépare des réponses, elle aime. Mais en qiyama, il m'attend une réponse, il ne m'attend pas. Amal an, même si tu n'as pas de réponse, tu peux corriger. Enfin, on se corrige tous les jours, bi'idnillah. Et nous, on est venu de l'obligé, il a les hadha. إلا لهذا بخصوصه فقط. قال الشعبي رحمه الله أو قبل هذا قال الفضيل بن عياض من أئمة السنة رحمه الله قال لا يزال العالم جاهلا لما علم حتى يعمل به. الفضيل يمطخ أن la personne même un savant il atteint un haut niveau في العلم ça devient savant أي il a beaucoup d'ilm, ça reste un ignorant tant qu'il n'applique pas. Le jour où il applique, ça devient alim. S'il n'applique pas, ou alors il a appris ce qu'il veut, c'est un jahl. C'est un jahl. فإذا عمل به كان عالما سيل أبليك صد من عالم فالعالم وطالب العلم سي علم وعمل سي لدو أما على personne qui fait des عمل c'est un جاهل ça peut être un جاهل il fait que des عمل كثير من العوام يفون beaucoup d'عمل اعتكاف حج عمرة يفون قيام الليل c'est un جاهل لبو كذلك سلوي العلم فقط هذا إلى التشبه باليهود كما مر معنا Il ressemble aux Yahoud. Il y en a quatre mille années, ils savent des choses. Mais attends, Allah, hatta ba'd al-kafara, ils ont des connaissances dans certains points, rubbama akthar minna, dans des points religieux. Donc ça ne lui sert à rien, indallah, c'est un kafir. Peut-être qu'il apprend pour combattre la religion, peut-être qu'il apprend, il est curieux, au min hadhihi al-umur. Amma nahnu la, ilmu amal fa'lam, annahu la ilaha illallah. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى علم وعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله وتقدم معنا هذا كثيرا في الأصول الثلاث وقال الشعبي رحمه الله عمرو بن شراحبيل رحمه الله من أئمة السنة قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلبه بالصوم انظر السلف كما يزيتجي كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به أي لا شوز كلات أغتنير العلم كلا برو إلا بلك مثلا il a appris un hadith comme quoi il faut jeûner le lundi et le jeudi. Lui, il l'applique. Le fait qu'il l'applique, il n'oubliera plus jamais le hadith. وهكذا. Ça ne veut pas dire que talib ilm, il va appliquer tout. Là, lakin tu fais des efforts. La chaque nahnou, on est muqassir. On est muqassir dans siyam, dans qiyam al-layl, dans salat, dans beaucoup de choses. Lakin à l'aql, tu sais le mal il est où et t'avances. Chaque jour, tu t'améliores. هذا أما نحن لمقصر والله المستعان وقال ابن الجوزي رحمه الله وتأمل رفلشي بني الآن شغل هذا الكلام قال رحمه الله ابن الجوزي صاحب تلبيس إبليس قال المسكين كل المسكين الآن ابن الجوزي va montrer un vrai مسكين c'est quoi tout le monde comprend معنى مسكين قال المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه مع قوة الحجة عليه ابن الجوزي يتمنخ أن المسكين لا بيغسين تتخوما با مسكين بلس كلبي اللون بيغيض في العلم ça veut dire qu'il a laissé la dunya ou une partie de dunya il n'a pas profité il ne fait pas ça l'illah ou il n'applique pas ça lui est d'aucune utilité يوم القيامة Il a perdu les deux. Ni il a profité de dunya, ni il profitera de l'akhira. Hada, c'est un mesquine. Hada. Ça ne veut pas dire que si ça va mal dans l'ilm, allez, on profite. Là, là. Ça ne veut pas dire hada. Lakin, ash-shar barakat. L'imam de Jawzil, il te montre le pire. Amma nahnu wa l'iyadu billah, on s'écarte de hada. Ni dunya, ni din. Avec tout ça, Il n'a pas d'excuse. قال ابن الجوزي مع قوة الحجة عليه. مع قوة الحجة عليه. أي il n'a aucune excuse. Qu'est-ce qu'il va dire يوم القيامة? Il savait, il a appris. Il savait. إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. من العوائق كذلك, les obstacles كذلك, qui font du mal جدا à طالب العلم, أخذ العلم عند غير أهله. أي Il veut apprendre, ou il veut comprendre vers une personne qui n'a pas le niveau. Hada, il va se faire du mal, dit-elle. Hada, il va se faire du mal. Ya akhi, al-ilm, tu ne le prends pas de n'importe qui. Voilà aussi le frère, il est gentil, il fait des efforts, il a akhiré. Lakin, al-ilm, c'est pas vers tout le monde. Abadan. Abadan. Al-ilm, il a des gens spécifiques fi hada. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا ابن مسعود يتمنخ أنه parmi les causes la personne il peut perdre والعياذ بالله هلكوا الهلك le fait de prendre العلم عن يعني الصغار والأشرار الصغار سي لي بوتي الأشرار لي موبي فتعرف دو شوز الصغار تعلمون مرة معنا في جامع بيان العلم في درس الشيخ حفظه الله أن الصغار المعنى سي الصغير في العلم سي با فورسيمون لاج لا شك أن بلو لا بيرسون إلا دو لاج بلو إلا دو تان دابخوند. Enfin, tu vas trouver une personne de 80, il a 80 ans maintenant, il aura beaucoup plus maintenant de sable une qu'une personne de 40 ans. Enfin, normalement, 80 années, il fait l'ijtihad, il va seul à l'akhir. Hada la shakafi, lakin ça ne veut pas dire que le jeune, il n'a pas d'ilm. Non, ce n'est pas hada. Abadan. Al-asagir, c'est celui qui n'a pas d'ilm. Qui n'a pas d'ilm. Fahada, anta akhi, tu ne peux pas demander une chose. Tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Faqid al-shay, il a eu. Comment tu vas stuffer d'une personne, il n'a rien. C'est comme un mendiant, il fait la quête vers un autre mendiant. Il ne va rien gagner. Fa'anta, da'iman, tes doros, tes muraja'a, ton hiv, da'iman, tu fais avec une personne, tu sens qu'il peut te donner ce que tu veux, min al-ilm. Amma, tu te lobes l'ilm vers un gars qui a. Ou une personne il a un niveau plus bas que toi, هذا c'est min al-ajaib. Et wallahi, tu le vois, Hiyan. Tu le vois. Enfin, l'ilm, c'est pas des sentiments. Frère, je le connais bien, il ouvre un darj, je vais. Abadan. Abadan. Wallahi, c'est même si c'est une personne, tu t'entends pas trop avec lui, ou c'est froid, il a du ilm, wallahi, va, assieds-toi. L'essentiel, c'est ta vie. Et les sentiments de côté. C'est ton frère, tuhibbuhu billah. أو قبل هذا أما أخذ العلم عن أهل البدع والمجهولين صص من المصائب ما بيرسون يبي بيرسون دين في هذا الحال أخذ العلم عن أهل البدع بعض الناس مساكين هكذا يطلب العلم يفوس يوناجا راكونتي ليستواغ وتعلمون أن بعض الناس الشيطان اللي revient من باب j'ai envie d'apprendre il va dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Certains gens, ils voulaient apprendre l'oral arabe. Ils ont appris des gens, ils avaient des idées bizarres. Des khawarij. Il a appris un peu l'oral arabe, il a perdu son manhaj. C'est devenu un takfiri, wal'ayadu billah. Qui c'est qui t'a imposé? Tu ne peux pas apprendre l'ilm? Fais le dua. Et fais les causes pour apprendre l'ilm inda ahli. Amma, tu perds ton manhaj, ou ton din, parce que tu veux apprendre la langue arabe, هذا c'est min al-ajaib. Al-salaf, comme tu le sais, Ayyub, ou Mohamed ibn Sirin, ou غيرهم من أئمة السنة, بعض أهل البدع, ils venaient pour le reste d'un verset du Coran, ils bouchent ses oreilles. C'est un imam, imam sunnah, هو. Imam sunnah. C'est comme si tu dis Cheikh Mokbel à cette époque, ou Cheikh Ibn Baz, ou. Il vient le reste du Coran, il bouge ses oreilles, il a peur pour son cœur. Nahnou, il ne sait même pas parler. Meskin. Il ne sait pas parler, il ne connaît rien. Il va, il fonce inda ahl al-dhalal. Il est au milieu, meskin. Une brebis au milieu des loups. Et il veut ressortir sain et sauf. Abadan. Abadan. Tu vas savoir les arabes de Mohammed, ou Qama Mohammed, lakin tu auras perdu ton dit. Elle est où la faïda, Mohammed Mubtada. Elle est où la faïda? Laisse-moi, je ne connais pas Mubtada, je suis un sunni, ahsan. Ça, c'est quand il n'y a pas le choix. Lakin, quand il y a le choix, al-ilm, nour. Qala, Cheikh Abdussalam, Ibn Burjis, rahimahullah, min mashayikh al-sunnah, qal, wa laysa al-murad, an yahjur ilm al-hadath, مع وجود الأكابر كلا. Il faut pas comprendre de هذا أن لا يجوز. Tu fais un livre ou t'apprends ou chez une personne, c'est pas un savant. Là, là, يفهم هذا. Là, يفهم هذا. Ça veut pas dire ça. Le athar de Ibn Mas'ud, لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. Ça veut pas dire que celui qui prend pas des grands savants, il peut pas apprendre. Là, ça veut pas dire هذا. قال كلا وإنما المراد إنزال الناس منازلهم إساس مهم. لا, tu dois comprendre un tel affaire que chacun tu le mets à sa place. Ou tu prends un darsi un frère, ça ne veut pas dire que ce frère c'est un alim. Abadan. Abadan. Les fatwas, les problèmes, هذا tu regardes avec un alim. أحسن لك. أحسن لك. مدرس مدرس تكسبلي في ليفر انتهى انتهى. أما بعض الناس الزلف دي بيرسون c'est un modèle خلاص c'est comme c'est un alim il a des problèmes probablement des problèmes graves et tout revient sur ce frère là خاصه في هذا المكان هذا المكان تاع عالم تاع مشايخ تاع فلا يجوز لك لا يجوز لك on élève هكذا des frères هكذا لا يجوز chacun sa place tu as un frère tu me donnes un dars جزاك الله خير tu restes un frère هذا هذا اما les fatwas des مسائل des fois c'est des مسائل عظام. C'est des choses avec les gouverneurs, avec des pays, avec des fitans, il a akhiri. Il va, il parle avec un frère, il a, ça fait 6 mois il est là. Et ils essayent de trouver la solution. Là, c'est pas hakada. C'est pas hakada. Ça, c'est toutes les causes pour s'égarer, wal'ayadu billah. Toutes les causes. Farrujou ila ahl al-ilm. Et ça n'empêche pas concentrer d'entre nous. Celui qui peut donner un dars à un frère, il lui donne al-muraja'at, là. La quête, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Les choses graves, les choses. Il a créé. On a des ulama, on demande. Fahada, c'est mohim. Fahada, c'est mohim. Radi a kalam Cheikh Abdussalam, fi risalati nafi'a, awa'iq, talab al-ilm. Kazalik, on le voit beaucoup, hada, at-tawjihat. Tawjihat, le fait de prendre des conseils. Ya akhi, tu ne prends pas des conseils de tout le monde. Wallahi, ahyanan, tu entends des conseils. Ils te font mal au cœur. Marra Wahed, il a conseillé Wahed. C'est un meskin, un nouveau. Et ce nouveau, il était motivé, il voulait avancer. Il a parlé à Wahed. Madri, c'était quoi son but? Madri. Il lui a dit, Anna, je te conseille d'apprendre le Qamous. Qamous, c'est les dictionnaires, comme ça. Tu le lis, t'as mal à la tête. Un Qamous, ma'rouf, dès que t'as besoin d'un mot, un dictionnaire, t'as besoin d'un mot, tu cherches ton mot, et alhamdulillah. Ouwa, il a compris, il a lu, Anna Marra, Ahad A'immat al-Salaf, il a appris le Qamous. Un imam. De Sunna, il a appris le Qamous. Tellement qu'il était fort dans le livre. Il a appris le Coran, il a appris tout ce qu'il pouvait comme livre, il avait encore de la place, du temps. Alhamdulillah, fais-toi plaisir là. Amma, notre frère, il connaît pas juste Amma, ya akhi. Qu'est-ce qu'il va avoir un Qamous? Des filtres, mettez des filtres, sarahatan. Des filtres, t'écoutes pas tout le monde. Wallahi, certains gens, ils veulent du khair, lakin. Hakada, il dit ce kalam. Marra wahab, il a dit à un autre, le frère meskin, il a demandé à un frère un conseil. Il lui a dit, Anna, tu peux me conseiller. Le frère, il était avant lui, il est plus ancien que lui. Il lui a dit, tu peux me conseiller, il a akhiri. Tu me motives, fit tawhid, il a akhiri. Il lui a dit, là, là, là, tawhid, là. Andor, comme c'est grave. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين القرآن لا دعوة البروفيت سي تو سوغ توحيد هو يقول لا لا لا لا لا لا توحيد لا بور لانستون فخير لا دي لماذا لو فخير سا لو اباري بيزار لماذا يقول لا دي لأن سي تابل التوحيد إلى آخره لي جون يفون با تيكوتي في دو نحو ابلو نحو اي اون فيرا انظر الضلال والله سيد دلال مبين كي كي سوا يدي ساس دلال سي كوش كلام هذا تق الله تق الله يدو أبخون سو توحيد اي يساد دو لا لانك عرب pour comprendre توحيد لكن قدر الله لا دو مال ان عرب خلاص on le laisse 10 ans sans توحيد il meurt il fait quoi انتبهوا انتبهوا je demande pas à tout le monde. Anna, je vous conseille, si tu as quelque chose, un frère, si tu veux qu'il t'aide, il t'écrit ta question. Tayyib. Maintenant, tu as du mal. Tu as du mal à parler, tu as du mal à parler avec Shir, il ne te comprend pas. Tu vas vers un frère, il veut t'aider, il t'écrit la question en arabe. Et tu la donnes à Shir. Shir, j'ai une question. Ah, pendant le dors, tu l'envoies. Et teste ta vie. Teste ta vie. Ahyanan, nous, Shir Yahya Avidaullah, il est là, il donne son temps. Maintenant, on a 10 conseils vers Foulain. Et on laisse Al-Alim. Ça, c'est pas mina. Ça, c'est pas mes savab, Babadan. Enfin, ces choses-là, on les corrige. Ces choses-là, on les corrige. Comme des frères, ils se font du mal. Akhi, est-ce que je peux aller dans ce dors? Non. Ou Akhi, est-ce que je peux se faire kitab? Non. Akhi, trop. Demande à Ahl al-Ilm. Il a de l'expérience. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas de conseils vers les frères. Là, lakin, mets des filtres. Ah, là, c'est un conseil. Yamfa'uk, bi'idnillah. Celui qui a quelque chose, yatafaddal. Ou, naqif huna, et demain on continue al-kalima. Et bi'idnillah, on rentrera dans le dars demain si on peut. Hayyakum Allah. Subhanallah.